Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gamozo. J'ai le plaisir de vous présenter une toute nouvelle chronique qui sera diffusée tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur le bien-être et la santé au naturel. Elle s'appellera « Les secrets de Mathilde ». Je suis naturopathe et j'ai envie de vous donner des petits conseils et astuces pour être bien dans votre quotidien. Pour ma toute première chronique, je vais vous donner des conseils pour avoir un sommeil de qualité. Les vacances sont terminées pour laisser place à la rentrée. Métro, boulot, dodo, il faut reprendre doucement son train-train quotidien. Pendant les vacances, votre rythme s'est ralenti, vous avez cessé de courir à droite et à gauche. J'imagine que vous avez ressenti les bienfaits positifs sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 conseils très simples pour garder cet esprit de calme, même dans ce rythme plus soutenu de la rentrée. Bien dormir est important, non seulement pour se sentir de bonne humeur et énergique, mais aussi pour préserver sa santé à long terme. Et cela commence dans l'assiette, avec un dîner léger. Et essayez de le prendre 3 heures avant d'aller se coucher, afin que la digestion ne se fasse pas pendant la nuit. Car la nuit, le corps se met en mode nettoyage. Il profite de ce répit pour se détoxifier et éliminer les déchets. Je suis consciente que le repas du soir rime souvent avec convivialité, partage. Cela dit, il n'est pas forcément nécessaire de préparer un festin, mais plutôt un dîner végétarien à base de légumes frais, de saison, en soupe ou en poêlé avec une petite portion de légumineuses comme des lentilles ou de céréales semi-complètes comme le riz ou le quinoa. Évitez le dessert et tout ce qui est sucré en prenant une petite tisane de menthe ou de mélisse pour faciliter votre digestion. Ensuite, pour une nuit réparatrice, il est important de cesser toute activité stimulante et excitante, au minimum une heure avant d'aller se coucher. En s'éloignant de tous les écrans, télévision, tablette, smartphone, car ces appareils diffusent une lumière bleue qui altère la sécrétion de mélatonine et indique à notre horloge biologique interne de continuer de fonctionner en mode jour, ce qui n'est pas top. La mélatonine est l'hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale. Lorsque la nuit commence à tomber, cette hormone permet de réguler nos rythmes circadiens, c'est-à-dire l'alternance entre le jour et la nuit. Le soir, il serait donc préférable d'opter pour un moment de détente en prenant un bon livre ou un magazine inspirant avec une petite lumière tamisée en arrière-plan. Troisième conseil, faites le vide. Parfois, nos journées sont bercées par des contrariétés, quelqu'un ou une situation nous ont tracassés. Il est donc important de faire le vide et de poser les choses. Pour cela, je vous conseille d'avoir un petit carnet et un crayon de papier sur votre chevet pour écrire. Sans forcément réfléchir, juste poser les choses, gribouiller pour se libérer l'esprit et passer une belle nuit. Pour accompagner ce petit exercice, une tisane ne serait pas de refus. Camomille, un grand classique pour une sensation d'apaisement, et je vous propose d'essayer les racines de valériane reconnues pour améliorer l'agitation nerveuse, l'anxiété et les troubles du sommeil, que vous pouvez trouver en pharmacie ou en biocoop. Et dernier conseil, prenez du temps pour respirer. Respirer est un besoin vital pour tous, même indispensable pour vivre. Avez-vous déjà essayé de conscientiser votre respiration ? Généralement, la respiration est devenue un acte banal, très mécanique, qui se passe au niveau de la cage thoracique. Mais si on essayait de respirer en se focalisant sur votre ventre ? 2 fois par jour, prenez le temps pour respirer. La respiration ventrale va vous permettre d'évacuer votre stress et améliorer votre concentration. Pour terminer cette petite chronique, je vais vous proposer un petit exercice à réaliser 2-3 fois par jour. Dans un endroit calme, allongez-vous ou asseyez-vous. Fermez les yeux et posez vos 2 mains sur votre ventre. Vous allez inspirer lentement durant 5 secondes en gonflant le ventre. Marquez un temps de pause, puis expirez en soufflant très lentement tout en dégonflant le ventre. Vous pouvez réaliser cet exercice sur 3 ou 4 respirations et en fonction de dans la journée, si vous avez eu un petit moment de stress, si vous avez envie de prendre du temps pour vous. Voilà, un petit exercice assez sympa. Donc c'était des petits conseils pour la rentrée, pour avoir un sommeil de qualité. Veillez à manger léger le soir, prenez du temps pour vous et respirez. Donc voilà, c'était la petite chronique des secrets de Mathilde. J'espère que ces conseils vous seront favorables. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.lessecretsdemathilde.com avec des articles assez sympas ou juste pour prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie pour des conseils un peu plus dirigés. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à vendredi prochain.